Bonjour à tous, en cette fin de mai 2010, vous écoutez l'émission numéro 12 sur le Terminus. Je m'appelle Jean-François et je vous présenterai dans la prochaine heure ce qui joue chez moi en ce moment. Parmi les nouveautés, il y aura du Motorama, Frog Eyes et de Boombox Arts. Avec l'été qui est maintenant parmi nous, la fréquence des émissions devrait diminuer quelque peu jusqu'à l'automne prochain, mais continuez quand même à visiter leterminus.ca pour voir les dernières mises à jour. On commence avec un premier bloc francophone avec Carl-Éric Hudon et Danny Placard qui ont travaillé ensemble sur le projet Hudon Placard qui est donné en 2007, un album du même nom. Sur certaines pièces, on reconnaît la touche de Hudon ou bien celle de Placard sur d'autres, mais on a aussi droit à un duo sur une des chansons. Pour la chanson Lanterne chinoise, eh bien, on se trompe pas, c'est vraiment du Carl-Éric Hudon. Avant ça, un groupe qui a terminé en troisième position aux dernières Francouvertes, c'est Bernard Adamus qui a remporté le concours, suivi d'Alex Nevsky en deuxième position et finalement de Monogranade en troisième position. Du mini-album La saveur des fruits, on va entendre Monogranade avec De toute façon. Mais on commence le bloc avec Escarmica qui ont sorti au début du mois un mini-album de trois pièces, appelé Infanterie Fantôme et offert gratuitement sur le site Bandcamp. Pour définir le son d'Escarmica, le groupe parle d'un rock lettré fait de contours flous où le crayon dépasse, où la charge émotive déborde. Voici la coutellerie d'Escarmica sur le Terminus. Dans l'émission d'aujourd'hui, j'aurais aimé vous faire jouer la musique de mon groupe préféré du moment qui s'appelle Chapel Club. C'est un groupe britannique qui sonne un peu comme les Smiths, mais avec une touche quand même actuelle. Enfin, c'est ça les joies d'Internet lorsqu'on ne fréquente pas les sites de torrent. Le groupe a sorti 3 chansons depuis le début de l'année, mais on devrait entendre ici en Amérique du Nord leur premier album prévu à la fin de l'été. Entre-temps, on peut se tourner vers YouTube, dont j'ai d'ailleurs mis une vidéo sur le site de l'émission, allez voir ça. Dans le prochain bloc, vous entendrez le groupe de Brooklyn White Rabbits avec Percussion Gun qui se trouve sur l'album It's Frightening. Juste avant, le projet solo pop-rock du guitariste new-yorkais Mike Stroglio, qui se fait aussi appeler Mike Bones, de son deuxième album A Fool for Everyone, sorti l'année passée, la pièce What I Have Left. Mais on commence avec un autre groupe américain, The Morning Benders. Ils ont sorti sur l'étiquette Rough Trade l'album Big Echo en mars dernier. Voici donc The Morning Benders, Hand Me Downs. Oh, I could promise you with what I have left to hold you through the night, to love you today, but maybe not the next, to leave all precious thoughts behind. I could marry you with what I have left, but I'm certain you'll do better on your own. I curse my troubled mind, it never ever rests. I can always be alone. Have left, but it never was my intent. You will find happiness in the arms of other men. Well, will I be left with them? I could leave you with what I have left. Would you prefer hatred or bitterness? My soul once was blessed, but it didn't take, I guess. So I'll deal with what I have left. Same now. On continue tout de suite avec un groupe de Floride qui fait penser au Velvet Underground, un duo nommé The Band in Heaven. Ils n'ont pas encore d'album, mais offrent en écoute et en téléchargement quelques chansons fort intéressantes sur le site Bandcamp qui est de plus en plus utilisé par les groupes pour partager et même vendre leur musique. Ça sera suivi de Motorama, un groupe originaire de Russie dont j'ai déjà fait jouer une chanson en janvier à l'émission numéro 4. Ils ont un nouvel album qui est sorti la semaine dernière qui s'appelle Alps. On va entendre la chanson du même nom. Et pour terminer, les Colombiens britanniques, en tout cas de la ville de Victoria, Frog Eyes. Ils seront à Montréal au Il Motor le 17 juin prochain pour promouvoir l'album Pulse Tom, A Triumph. J'ai retenu de cet album la pièce Lear in Love. Mais tout d'abord, voici The Band in Heaven avec High and Low. We'll be right back.

Vous écoutez toujours le Terminus, la version audio du site du même nom, accessible en tapant leterminus.ca dans votre navigateur Internet. Vous pouvez aussi m'écrire au info@leterminus.ca. On va terminer l'émission avec Cyan Alice Group, avec la pièce Close to the Ground. Mais on commence avec les Danois de The Boombox Arts, une pièce qui précède un album à paraître cette année. Ça s'appelle Gold. On se quitte là-dessus. À bientôt! The moon will never rise. matter what you throw. And your kingdom never crashes.